Deuxième section, article définitif d'un traité de paix perpétuelle entre les États. Pour les hommes, l'état de nature n'est pas un état de paix, mais de guerre, sinon ouverte, du moins toujours prête à s'allumer. Il faut donc que l'état de paix soit établi, car pour que l'on soit à l'abri de tout acte d'hostilité, il ne suffit pas qu'il ne se commette point de tels actes. Il faut de plus qu'un voisin garantisse à l'autre sa sécurité personnelle, ce qui ne saurait avoir lieu que dans un état légal. Hors d'un tel état, chacun est en droit de traiter tout autre en ennemi, après lui avoir inutilement demandé garantie.